Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Pourquoi tu deviens lourde? Tu n'arrives plus à te réveiller le matin. Écoute-moi bien, la nuit là, avant de dormir, il ne faut pas manger à checker, il ne faut pas manger foutu de choses lourdes. Parce qu'il faut que le matin tu te réveilles en forme. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Il faut commencer la journée par la prière. Chaque matin, quand il faisait encore sombre, Jésus allait dans un lieu désert pour prier. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Nous allons lire notre passage du jour, Romains 13, 1 à 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons notre passage du jour, Romains 13, 1 à 7. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées des dieux. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu y auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, les tributs à qui vous devez les tributs, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités dans ce passage. La première vérité concerne la soumission aux autorités supérieures. Les chrétiens doivent être un modèle en matière de soumission aux autorités. Le chrétien ne doit pas être rebelle contre son chef, contre les autorités politiques, administratives, les autorités judiciaires. Nous devons savoir qu'il y a des vérités que nous devons respecter. Le verset 1 commence en disant « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. » Que toute personne, c'est-à-dire que ce soit des chrétiens, que ce soit le non-chrétien, nous devons être soumis aux autorités. C'est un principe qui est établi. Regardez même dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Temps, lorsque Dieu avait établi quelqu'un comme Moïse, lorsque Corée, Dathan, Abiram, lorsqu'il y a des gens qui se sont rebellés contre celui que Dieu a établi, ils ont été punis. Faisons donc attention. La Bible nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Alors, nous allons voir cinq raisons pour lesquelles nous devrons nous soumettre aux autorités supérieures. La première raison, ces autorités sont instituées par Dieu lui-même. Vous voyez, l'apôtre Paul dit au verset 1, la deuxième partie, « Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'entend, qui va dire « Ah, est-ce qu'une autorité qui persécute, une autorité qui est méchante, une autorité mauvaise, une autorité païenne, est-ce que c'est Dieu qui l'a établi? » Oui, la réponse est oui. Parce que quand Paul avait écrit cette lettre, ceux qui étaient au pouvoir, c'était des Romains. Vous voyez, les Romains étaient des païens. quand Jésus était né, il a exercé son ministère sous la domination romaine. Les empereurs étaient même divinisés. Ils réclamaient même l'adoration. Mais malgré cela, Jésus n'a jamais dit « Révoltez-vous contre cette autorité parce que les païennes, parce qu'elles se réclament l'adoration, parce qu'elles se mettent à la place de Dieu. » Non. Mais au contraire, on dit ici « Soyez soumises aux autorités supérieures. » Au temps de Paul, c'était aussi les Romains. Nous savons comment il a comparu devant le tribunal. Il fit à maintes reprises même arrêter, persécuter. Mais Paul dit, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est pour dire que même les Romains que vous voyez là-bas, même l'empereur César, même ceux qu'il a établis comme gouverneurs, ils sont établis par Dieu. Il y a des personnes parfois que nous voyons qui peuvent régner comme directeur, comme ministre, comme président, comme PDG. Toi, tu peux dire vraiment la manière dont il a été nommé, la manière dont il a été élu, la manière dont il a été là-bas. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui l'a mis? Mais le Seigneur, le Dieu souverain, il contrôle tout ce qui se passe. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Mon frère, soumets-toi à ton DG. Même si tu penses qu'il n'a pas les diplômes qu'il faut. Tu penses qu'il a été nommé par combine du conseil d'administration. Mon ami, soumets-toi à l'autorité. Regarde l'exemple de David. Il savait que Saül était déjà rejeté par Dieu. Et Dieu lui a dit que c'est toi qui seras le roi. Mais malgré cela, David n'a pas mis la main sur Saül. Il appelait toujours loin de Dieu. Il était soumis à Saül jusqu'à ce que Dieu lui-même allait s'occuper de Saül. Dieu lui-même allait enlever physiquement Saül du trône. Vous voyez? La deuxième raison pour laquelle nous devons être soumis aux autorités. Paul dit, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Cela veut dire que lorsque toi, tu résistes à l'autorité, tu décides de ne pas te soumettre à ton chef hiérarchique, à ton DG, à ton ministre, à ton commandant, sache que tu es en train de résister à Dieu parce que c'est Dieu qui l'a placé là-bas. C'est ça, c'est que la parole dit. Troisième raison qui devrait nous pousser à nous soumettre aux autorités supérieures, c'est que la désobéissance aux autorités entraîne des conséquences. Tu peux être sanctionné, tu peux même perdre ton emploi, tu peux être licencié. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens, par exemple, qui sont des paresseux, qui sont désobéissants, qui ne font pas très bien leur travail et qui ont été licenciés. Et ils ont dit que c'est à cause du Seigneur. Ce n'est pas à cause du Seigneur, mon ami. Si on te demande de faire ton travail, on te donne des objectifs, tu n'arrives pas à les atteindre, ça peut entraîner des conséquences. Si par exemple, ton directeur te demande de faire un travail et toi par mépris, parce qu'il n'est pas de ton ethnie, parce qu'il n'est pas de ton bord politique, tu décides de désobéir. Mon ami, attends-toi à des conséquences. C'est pourquoi au verset 2, l'apôtre Paul renchérit en disant « Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Il y a donc une condamnation qui peut arriver, mon frère, ma sœur. Fais donc attention. La quatrième raison qui devrait nous pousser à nous soumettre aux autorités, c'est que les autorités sont serviteurs de Dieu pour notre bien. Vous voyez ici, la notion de serviteur de Dieu, pour certains, s'applique seulement aux pasteurs, aux bishops, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes. Mais ici, l'apôtre Paul nous montre aussi que les autorités établies par Dieu sont des serviteurs de Dieu, dans ce sens que Dieu les utilise pour le bien de la société, pour mettre de l'ordre. Regardez par exemple ce que font les policiers. Lorsqu'il y a embouteillage, ils viennent mettre de l'ordre. Regardez par exemple les autorités judiciaires. Ils sont là pour juger, pour dire les droits, pour condamner les malfaiteurs par exemple. C'est pour notre bien. S'il n'y avait pas des autorités, il y aurait le chaos. C'est pourquoi ici, Paul dit, ce sont des serviteurs de Dieu. Donc, lorsque tu as un chef devant toi, tu as un commandant, tu as un ministre, tu as le chef de l'État, tu dois le considérer comme étant serviteur de Dieu aussi, parce qu'ils sont institués par Dieu pour notre bien. Cinquième raison, nous devons obéir aux autorités par motif de conscience. Vous savez que notre conscience aussi, cette faculté que Dieu nous a donnée de juger le bien et le mal aussi, nous condamne, nous accuse lorsque nous ne faisons pas ce qui est bien. Donc par motif de conscience, nous devons nous soumettre. Deuxième grande vérité, c'est un cas pratique de l'obéissance à l'autorité, le paiement des impôts. La Bible nous enseigne que le chrétien ou l'homme en général doit payer l'impôt. Au verset 6, il est dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Il n'est pas normal pour un chrétien de refuser de payer l'impôt. Vous voyez, d'ailleurs, nous voyons que la plupart même des pays développés, c'est avec les impôts qu'ils arrivent à faire de grandes choses, à construire des routes, à avoir des infrastructures, à payer les fonctionnaires, vous voyez. Donc, il faut que nous puissions payer les impôts. Même au temps de Jésus, quand on lui a posé la question s'il fallait payer l'impôt à César, il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque nous refusons de payer l'impôt, ou bien nous voterons dans l'engrenage de la fraude fiscale, sachant que nous désobéissons à Dieu et nous ne sommes pas approuvés par lui. Au verset 7, il dit, rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, les tributs à qui vous devez les tributs, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais ce matin vous demander de louer le Seigneur qui nous révèle ses vérités. Chantons ces cantiques. Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, malamu, malamu, Zambé. Zambé malamu. Malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, malamu, malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, malamu, malamu, Zambé, Zambé malamu, malamu, Zambé malamu, Zambé malamu, malamu. Malamu, Yesu Bolingo, Yesu Bolingo, Yesu Bolingo, Bolingo, Bolingo, Yesu, Yesu Bolingo, Yesu Bolingo, Yesu Bolingo, Bolingo, Bolingo, Yesu Bolingo, Yesu Bolingo. Yesu Bolingo, Bolingo, Bolingo, Yesu. Yesu Bolingo, Bolingo, Yesu Bolingo, Yesu Bolingo, Bolingo, Bolingo. Ilunga nanga okumama, Ilunga nanga okumama, Ilunga nanga okumama, Ilunga nanga okumama. Yemba makasi nanga okumama, Makasi nanga kumama, makasi nanga kumama, makasi nanga kumama, mayele nanga kumama, mayele nanga kumama, mayele nanga kumama, mayele nanga kumama, yosali zombe, yosali zombe nanga, yosali zombe. Papa, ku mama Yahweh, ku mama papa, ku mama Yahweh, Yahweh ku mama kolo Yesu, obisoto bineli o Yahweh, Yahweh ku mama kolo Yesu, ku mama Yahweh, ku mama papa. papa, ku mama Yahweh, ku mama Yahweh, ku mama Yahweh, Yahweh ku mama kolo ye. Biso toto mboli yo Yahweh, Yahweh ku mama kolo Yesu, ku mama Yahweh, ku mama papa, ku mama Yahweh, ku mama papa, ku mama Yahweh, ku mama papa, ku mama Yahweh, ku mama papa. Ku mama Yahweh, Yahweh ku mama kolo Yesu. Abiso to bineli yo Yahweh, Yahweh ku mama kolo Yesu. Ku mama Yahweh, Yahweh ku mama papa, Yahweh ku mama. Ku mama Yahweh, Yahweh ku mama papa, Yahweh ku mama. Gloire au Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Bénis le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait pour toi. Amen. Notre passage du jour, c'est Romains 13, 1 à 7. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Ce passage nous enseigne le principe de soumission à l'autorité ou aux autorités. Nous allons d'abord prier par rapport à nos autorités ecclésiastiques. Dans l'église aussi, il y a beaucoup de rebelles. Les gens qui ne veulent pas se soumettre à ce que le pasteur dit. Les gens qui ne veulent pas se soumettre à ce que les leaders, ton papa spirituel, c'est lui-même qui t'a gagné au Seigneur. Aujourd'hui, tu commences à te rebeller contre lui. Bien-aimé dans le Seigneur, prions pour demander pardon à Dieu. Pour toute fois où nous nous sommes rebellés aux autorités que Dieu a instituées, même si elles ont des faiblesses, prions pour que Dieu nous aide à être soumis à nos autorités, à accepter leur vision, à aller dans le sens où vraiment ils nous conduisent. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te remercions et nous te glorifions pour toutes les grandes choses que tu réalises dans notre vie. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité, toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donne chaque jour. Père éternel, reçois ce matin notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Merci Père éternel. Nous prions ce matin au Père éternel pour tous les frères et pour toutes les sœurs dans la foi, ceux qui sont dans nos différentes communautés. Nous prions pour pour la soumission aux différentes autorités ecclésiastiques. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu te manifestes, que tu éclaires la conscience des frères et des sœurs et que ceux qui se sont rebellés contre leurs différentes autorités se tournent vers toi et demandent pardon. Demandent pardon pour la restauration. Se détournent de toute forme de rébellion. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu nous aides à accepter la vision de nos autorités. Vision qui coïncide avec le plan de l'appel pour le salut. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que tout obstacle, tout blocage à la manifestation de cette soumission soit ôté au nom de Jésus-Christ. Et nous demandons que les frères et les sœurs dans le Seigneur soient également protégés contre toute forme d'abus de la part des autorités. Merci Père éternel pour la grâce. Merci Père éternel pour la protection. Merci Père éternel pour l'humilité que tu donne à chacun de tes enfants. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié pour l'avancement de ton œuvre. Amen. Amen. Nous allons prier aussi pour l'obéissance à nos autorités politiques, administratives. Oui, il y a beaucoup de gens. Il peut arriver que je sois d'un parti politique autre que celui qui est au pouvoir. Mais par principe d'obéissance à l'autorité, je ne dois pas désobéir parce que mon chef n'est pas du même bord politique. Prions pour que Dieu nous aide en tant qu'Église, en tant que chrétien, à comprendre les principes d'obéissance à l'autorité. Prions pour que nous soyons des modèles d'obéissance aux autorités au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation, la majesté, la seigneurie, la suprématie. Gloire à toi, parce que ta parole dit vrai. Elle est la lumière sur notre chemin, une lampe sur nos pieds. Sans elle, nous ne sommes rien. N'as-tu pas dit dans ta parole que le cœur de tout homme se trouve dans ta main, comme un courant d'eau, tu les orientes où tu veux, de prier pour la nation où tu nous as mis. Notre paix en dépend, notre Dieu, et de continuer à prier pour nos autorités. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons nous soumettre à ta parole. Nous voulons nous soumettre à ton esprit. Ta bouche l'a dit. Elle ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. Donne-nous la force. Donne-nous le courage. Donne-nous l'endurance. Donne-nous l'humilité, la soumission et la crainte de Dieu. À obéir à nos autorités, partout où nous sommes, dans le travail, dans l'entreprise, là où nous sommes, quelle que soit la dureté de celui avec qui nous travaillons, mais tu nous ordonnes, tu nous commandes de le faire, aide-nous à le faire, en le faisant, c'est à toi nous obéissons, gloire à toi, gloire à toi. Nous ne voulons pas obéir au désordre, à l'injustice, mais à la parole de Dieu, sois béni. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir un cas pratique de l'obéissance à l'autorité, c'est le paiement de l'impôt. Oui, nous devons payer l'impôt. Jésus lui-même a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour que nous puissions nous appliquer au paiement des impôts. Regardez même dans nos églises, parfois la plupart des pasteurs ne sont même pas déclarés à la CNPS, même ceux qui travaillent. Tout ça, ça fait partie aussi de l'ordre établi. Prions le Seigneur afin que nous puissions promouvoir une société où tout ce qui est dû à l'État, les impôts à quelque niveau que ce soit, que le chrétien, nous soyons des modèles. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. gloire et honneur à toi. Béni sois-tu le ressuscité. Béni sois-tu celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui dit que je m'appelle, je suis. C'est à toi et à ta parole, aux commandements, aux lois, aux préceptes, aux saintes écritures que nous voulons obéir. Parce que c'est la voie que tu nous as laissée. C'est le chemin que tu nous as donné. C'est notre guide, la parole de Dieu. Et ce matin, tu nous demandes effectivement d'obéir, oui, aux instructions des taxes, de payer les taxes à la CNPS, les taxes aux impôts, les taxes de tout ce que nous faisons. Père, ce matin, merci parce que tu nous donnes la compréhension et nous le faisons maintenant. Toutefois, si nous ne l'avons pas fait, nous te demandons pardon. Si nous avons le droit de le faire, nous te demandons pardon. Donne aussi aux communautés chrétiennes, Seigneur, d'inscrire, d'instruire les pasteurs, surtout à la CNPS pour qu'ils bénéficient aussi des ristournes et que l'État aussi soit bénéficié. Père, je prie pour nos frères et sœurs qui font les affaires, toutes les personnes, Seigneur notre Dieu, qui ont engagé un commerce, donne-les de payer correctement leurs affaires, leur commerce, de payer ce qu'ils doivent à l'État et aux hommes. Merci, papa, parce que, Seigneur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Béni sois-tu pour quelqu'un que tu visites maintenant. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu accordes à quelqu'un d'élargir ses affaires en le faisant. Merci, Père, parce que une femme reçoit sa bénédiction, un homme reçoit sa liberté, quelqu'un reçoit, Seigneur, son premier emploi et la grâce de Dieu se répand dans notre vie parce que nous t'obéissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler notre rendez-vous Bonheur conjugal pour les célibataires. C'est pour ce dimanche 6 mars 2016. Thème, une main puissante les forcera à te laisser entrer dans ton mariage. Toi qui étais retenu par la sirène des eaux, tu étais retenu par l'esprit des maris de nuit. C'est le temps maintenant où la puissance de Dieu va forcer ce pharaon qui te retient à te laisser entrer. L'entrée est libre. Nous aurons deux services. 16h, premier service. 18h, deuxième service. Que Dieu vous bénisse. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.